encore devant moi, allez. 30 secondes avant de partir. Forcément, tu seras mon amant. Viens sur moi, on prendra Marley. Doucement, à deux dans la vallée. Loin de ce monde, on pourrait s'évader, hein. Même si c'est loin, mais que t'es folle de moi, ça pourrait marcher. On traversera les montagnes pour finir ensemble. Si tu veux me m'endors, toi je te réveillerai le soir. On s'arrêtera pour la nuit, dans le motel du coin. Mais en dormant, je verrai tout ce qui est mort dans mon cœur. Je cours dans le désert, on s'est rendu fou pendant des siècles. Je suis parti comme un fantôme, mais t'es certaine que je reviendrai. Il a voulu mon numéro, je lui ai pas donné. Je ne veux pas d'amour, je peux plus pardonner. Je le revois dans mes rêves, dans la nuit, dans mes insomnies. Dans mes insomnies. Dans mes insomnies. Dans mes insomnies. Je pense que je me rappelais de tout ce qu'il faut pas. Lorsque vient la peur, j'ai l'air d'un mangement. Pleure dans tes cauchemars comme si je les hantais. Allez, danse pour moi. On s'est déjà fait la guerre, inutile de mentir, t'es mal en ce moment. Écoute plus jamais ton cœur, t'es retenu par lui, car j'aime son venin. Je pense à toi, à nous, je me dis que l'avenir nous attend. Je me dis que ça serait mieux pour nous, mon cœur pense à toi, mais je ne le dis pas. Sans toi, j'attends que les heures passent, je commence à peine à croire que je t'aime plus. Sans voir, j'ai suivi tes pas. Il a voulu mon numéro. Je lui ai pas donné, je ne veux pas d'amour, je peux plus pardonner. Je le revois dans mes rêves, dans la nuit, dans mes insomnies. Dans mes insomnies. Dans mes insomnies. Dans mes insomnies. Je te rappelle de la nuit où je suis parti. Ok, mais tu sais même pas pourquoi je l'ai pas dit. Je crois que j'étais perdu, je dessinais des peintures. J'ai colorié un cœur, mais bon c'était pas le tien. C'était de la torture. Histoire triste, je t'ai fait du mal, c'est moi qui sors plus. J'aimerais te le dire, j'ai plus ton adresse. Je suis reparti seul dans le désert. Bien sûr que je me rappelle de tout ça. J'ai l'impression qu'en fait on adore ça. Toi et moi comme avant, on était comme de vrais gangsters. C'est vrai. Comme Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Il a voulu mon numéro. Je lui ai pas donné. Je ne veux pas d'amour, je peux plus pardonner. Je le revois dans mes rêves, dans la nuit. Dans mes insomnies. Dans mes insomnies.